moi, je préfère boire mon coup. Je ne sais pas qui des deux c'est celui qui est le plus souple au paradis. Ça vient et bien, tu peux te le garder. Je me fais plus loin, en faire souterrer ces bistrots à volonté. Bien que je sois sûr que là-haut, il y a quelques sacs qui soient pleins à perpétuité. Avec ton bonnet, les marmots, je te jure, c'est la galère. Tu travailles comme un con pour un salaire de misère. Alors le samedi soir, avec tes potes, je fais un break. Je commence par quelques bières braves russes pour me rincer pour du gosier. Puis je m'attaque aux choses sérieuses, faudrait bien sûr pas trop qu'on fait salé. Notre bière, c'est délicieuse, que ton nom soit sanctifié dans tous les bistrots paumés du ciel et du monde entier. Comme toujours, sans lieu d'y mettre. Sans lieu d'y mettre.